Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter les prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leur effort, leur discussion, leur réflexion dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. On va parler du septième match ce soir entre le Lightning de Tampa Bay et les Capitals de Washington. On va parler également des Golden Knights de Las Vegas et de la belle signature hier d'Antiniemi. On en parle avec Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, dans ta carrière de joueur, comment le septième match t'as joué? À peu près là. Ben, vite fait, je viens d'avoir joué 4-5, j'imagine, là, c'est dur à dire vite fait, mais j'en ai joué une coupe, c'est sûr. Okay. Est-ce qu'on se prépare différemment un septième match? Est-ce que c'est quelque chose qu'on se rappelle pour le restant de nos jours, puis c'est une expérience quasiment incroyable? Là? Ben, on se prépare pas différemment, dans le sens que chaque match dans les séries, on les joue comme si c'était le dernier. Sauf que dans un septième match, c'est la réalité, c'est que c'est vraiment ton dernier match si tu perds ce match-là. Alors, des matchs sans lendemain, c'est des matchs qui t'amènent beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis, c'est sûrement ça qu'on va vivre ce soir. C'est ça passe ou ça casse, comme on dit. Alors, dans le cas, je pense à un gars comme Ovechkin, qui a tellement de pression sur les épaules, puis qu'encore une fois, s'il gagne pas le match ce soir, il va passer pour un gars qui est pas capable d'amener son équipe jusqu'au bout, qui est pas le leader qu'on espérerait. Et pourtant, Danny, même si les Capitals de Washington perdent ce soir, Ovechkin a reconnu quand même de très bons playoffs. Il y a des bonnes saisons. C'est un gars qui est tout le temps là, qui se présente à tous les soirs. Quand c'est pas statistiquement, c'est physiquement qu'il va apporter son apport, mais il manque un petit quelque chose. Là. Il y a un petit quelque chose qui plane au-dessus de sa tête, qui nous empêche de dire que c'est un gagnant aguerri. Alors, c'est sûr que pour un gars comme lui ce soir, c'est extrêmement important. Mais, c'est injuste pareil. Marcel Dion a été un grand joueur. Raymond Bourque a fallu qu'on l'envoie au Colorado pour y faire gagner la Coupe Stanley. Tu sais, c'est injuste aussi, là, dans le fond. C'est injuste, mais le sport est fait ainsi. T'es jugé selon ton succès. Tu vas être un gagnant seulement quand tu auras une médaille alentour du cou ou bien que tu auras soulevé le trophée. C'est vrai que c'est un peu empoisonné, là, comme évaluation, mais ça fait partie de la game. OK. Comment tu vois ça, septième match? Est-ce que tu penses que... Écoute, soyons honnêtes, c'est Vasilevskiy qui... Voyons, j'ai de la misère à prononcer. Excusez-moi, les gens. C'est en raison de lui que le Lightning sera au septième match. Il était fumant. Tu sais, t'as des gars comme Stankos, comme Kucherov, qui ne fonctionnent plus ou moins. Kucherov à 5 contre 5, ça marche pas pantoute. Heureusement que leur avantage numérique fonctionne très bien. Comment tu vois ce septième match-là? La beauté d'un septième match, Danny, c'est que, honnêtement, là, peu importe ce que tu as accompli avant, tu mets tout ça à poubelle. Le seul affaire qui va arriver ce soir, okay, c'est que Washington va arriver avec un avantage psychologique, avec le vent dans les voiles, si tu veux, par rapport à la performance qu'ils ont fait au dernier match. Par contre, si jamais Tampa Bay part, un exemple, avec un but en partant le match, il part avec un but, tout ce momentum-là va être perdu. Okay. Tu comprends-tu? Si Washington commence le match avec un but, oups, ils prennent les devants, là, avec qu'est-ce qui est arrivé dans les matchs, un blanchissage, ils ont joué physique, et ils ont joué avec beaucoup d'énergie, et là, ils commencent le match avec un but, là, ça va amener une énergie assez incroyable pour Washington, qui va peut-être lui permettre justement de continuer sur l'horaire d'aller. Mais si Tampa Bay commence avec un but en partant, ça vient briser tout ce qui a été accompli de momentum par Washington, et là, ça peut virer d'un bord comme d'un autre. OK. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais l'avantage de glace, ça compte plus vraiment. On regarde ça, là, d'un série de moins en moins, en tous les cas. Là. Ça compte plus, Danny, mais si t'es une équipe, là, tu aimes bien mieux jouer à la maison ce septième match-là que sur la route. Là. Mais à ceux qui diront qu'ils aiment mieux sur la route, moi, je le crois pas. Là. T'es chez vous. Parce que c'est l'endroit, mettons, tu prends la Ligue nationale, c'est un endroit quand même où tu joues 40 matchs. La moitié de la saison, tu le joues sur cette patinoire-là. Tous tes entraînements, c'est sur cette patinoire-là. Tu as la porte du septième joueur. Tu te sens chez vous. Tu vas avoir dormi à la maison la veille. Tu vas être dans ton élément, dans ta routine. Tu peux pas te dire que c'est pas un avantage pour l'équipe à la maison. Et tu travailles tellement fort pendant la saison régulière pour avoir cet avantage-là que tu es obligé de dire que ça va être plus avantageux pour Tampa Bay que Washington. Okay, effectivement. Les Golden Knights de Las Vegas, bonne ou mauvaise chose pour la Ligue nationale? Moi, je vais te dire une affaire, c'est rendu là, j'espère qu'ils vont gagner la Coupe parce que c'est quand même, ce serait plate après tout ça de pas avoir gagné. Sauf que ça, la Ligue nationale paraît-tu mal ou c'est une bonne affaire? Moi, c'est une excellente affaire. C'est une excellente affaire, Danny, parce que peu importe la ligue que tu sois la Ligue nationale, la NBA ou la Major League Baseball, tu dois toujours te remettre en question en tant que ligue. Si tu veux avancer, tu dois avoir des choses comme ça qui vont te faire réfléchir sur le système qui est en place, sur la façon de faire, et d'avoir jamais une équipe comme ça qui arrive de nulle part, là. Écoute, y a-t-il quelqu'un qui aurait... Si tout le monde avait prédit ça... C'est 5 contre 1 à Las Vegas. Ben, les odds, au début de saison, n'auraient pas été 500 contre 1, là. Ouais. Alors, tu comprends-tu, là, il n'y a pas personne qui a vu voir ça venir, là, tu sais. Alors, moi, je pense que c'est excellent. Puis, tu sais-tu quoi? Gardons-le, ce système-là, parce que, justement, s'il y a d'autres expansions qui arrivent l'année nationale, si Seattle arrive dans une couple d'années, si Kansas City arrive, si Québec vient qu'à avoir une équipe, crime, ça serait le fun d'avoir une équipe qui va être compétitive dès la première saison. C'est bon pour les billets de saison, pour mousser ta campagne de billets de saison. C'est bon pour donner de l'engouement au hockey. Alors, je vois pas pourquoi ça serait négatif d'avoir une équipe qui donne un bon rendement comme ça. Par contre, Marc... Tu sais, je vais en parler justement avec l'analyste à la télévision des Golden Knights hier, Éric Lacroix, le fils à Pierre Lacroix. Puis je disais, tu reprends les mêmes procédures pour Seattle, le cinquième défenseur, le deuxième gardien de but joueur, le troisième trio. Ça veut pas dire que ça va faire pareil, là. Non, absolument pas. Tu sais, c'est une chimie, là. Les gens disent, écoute, ça va même jusque dans la Ligue nord-américaine de hockey, ce qu'on a vu avec les Golden Knights, parce que si on parle d'une expansion à Robert Valle, la Ligue nord-américaine, puis les gens qui veulent mettre de l'argent veulent avoir veulent pas que ça commence avec une fiche de 10 victoires, 35 défaites. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, ça va partout, sauf que ça veut pas dire que tu as fait les mêmes procédures demain matin. Ça veut pas dire que c'est les mêmes résultats non plus, là. Absolument pas. Puis tu sais, c'est là que tu dis que c'est pas seulement les joueurs sur la glace qui ont fait ce succès-là. Tu sais, George McPhee, chapeau avec la façon qu'il a jonglé avec ses choix de repêchage pour améliorer son équipe. Chapeau à Gérard Gallant qui a rassemblé ce groupe de joueurs-là avec tout son coaching staff pour produire ça. Malheureusement, la tragédie de Las Vegas a peut-être créé une synergie à travers la ville, à travers l'équipe qui a permis d'avoir ce compte de fées-là. Mais t'as 100% raison qu'on peut arriver dans une couple d'années avec Seattle qui vont faire le même procédé, puis qui vont être exécrables pendant plusieurs années. C'est absolument raison. Alors, c'est chapeau à l'organisation de Las Vegas. Et puis, mais ça démontre une chose, Danny, c'est que le système peut être bénéfique pour une nouvelle équipe et c'est là-dessus qu'il faut baser cette évaluation. Mais moi, ce qui me choque, Marc, je suis convaincu que si les Nordiques, ça n'aurait pas été la même affaire pour Québec. Parce que Gary Bettman, en envoyant une équipe à Las Vegas, il fallait que ça fonctionne, surtout que les Raiders s'en viennent actuellement. Il fallait qu'ils créent un buzz immédiatement. Je suis pas sûr, moi, que si les Golden Knights auraient eu 20 victoires, 55 défaites et 15 matchs nuls, genre, c'est un chiffre que je lance en l'air de même. Là. Ça peut pas, c'est 90 matchs, mais tu sais ce que je veux dire. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de buzz autour de l'équipe. Non, mais sauf que si le système avait été le même, Danny, t'aurais pu obtenir le même succès, mais peut-être que non aussi. On peut pas le savoir. Ouais. On peut pas le savoir si c'était à Québec parce qu'on n'a pas cette expérience-là. Mais si le système est le même et que ça aurait été George McPhee qui aurait été à Québec, qui aurait fait les mêmes moves, qui aurait été chercher la même dynamique avec Gérard Galland dans l'aide du banc, ben, peut-être aussi que ça aurait fonctionné. Là, tu sais, c'est de la spéculation qu'on fait, là, mais sauf que le modèle d'affaires qui a été créé à Vegas est un exemple à suivre pour beaucoup d'autres équipes de la Ligue nationale. Marc, on va faire une pause. Je te reviens, je veux te parler de Antti Niemi, je veux te parler également de Joël Bouchard. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Marc Fortier sur les ondes de danadosport.com. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter les prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leur effort, leur discussion, leur réflexion dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. Marc, c'est une excellente... Moi, je considère que c'est une excellente nouvelle. Antti Niemi, le Canadien l'a signé pour un an. Écoute, ce gardien-là, quand il est arrivé rappelle-toi lorsque le Canadien l'a pris au ballotage, c'est parce que Price était blessé. On savait, le deuxième gardien, il y avait eu une commotion cérébrale, puis on savait pas quand qu'elle allait être de retour. Et par la suite, il faut forcer l'admettre qu'il a fait la job, là. Al Montoya, c'est le nom que je cherchais. Al Montoya a fait une commotion cérébrale. On l'a envoyé par la suite aux Oilers d'Edmonton, mais Niemi, c'était pas du tout ça, là. On parlait de questions d'une semaine ou deux. On avait besoin d'un deuxième gardien de but au plus secret, puis forcer l'admettre qu'il a fait le travail. Incroyable, là. Oui, c'est sûr et certain qu'il a fait un bon travail, mais il y a deux choses là-dessus, Danny. Premièrement, tu sais, c'est pas drôle, là, quand on est si enthousiasmé à la venue d'un deuxième gardien. Ça prouve une chose, ça prouve qu'on est inquiet avec notre premier, là. Comprends-tu? Si on met autant d'emphase sur Niemi, c'est une bonne nouvelle, ça va aider. Tu sais, c'est parce que là, on sait plus quoi penser avec notre gardien numéro 1. Il va-tu nous engauler 20? Il va-tu nous engauler 50? Il va-tu être la hauteur? Là, tu parles de ton joueur le mieux payé, tu parles de ton joueur de concession, puis tu parles d'un gars qui te donne un casse-tête incroyable. Bye. Alors, c'est pour ça que je trouve que, Colin, on est-tu rendu assez loin de mettre l'emphase sur quelle belle nouvelle de signer un backup? sais, ça va pas bien. Là. Mais Marc, ton deuxième gardien de but dans le hockey de 2018 doit en garde 25 matchs. Tu es d'accord avec moi, 20 et 25 matchs. Son deuxième gardien de but ne peut pas être dans le temps de Richard Sévigny ou Michel Larocque. Il faut qu'il soit quand même compétent parce que c'est tellement rendu serré, c'est tellement rendu difficile de faire les séries que les 25 matchs que ton deuxième gardien va garder, ils sont importants. Ben oui, ils sont importants. C'est pour ça sauf que tu sais, oui, tu as absolument raison, mais tu sais, on peut pas dire que Montoya a fait un mauvais travail non. quand il était backup avec là. Lindgren, quand il est venu en sauvetage avec le Canadien, il a quand même pas mal fait le jeune. Est-ce qu'il est prêt? Peut-être que oui ou non. Mais si vraiment, là, on se casse pas la tête sur Price de dire il va en gauler 60, admettons. Là. Ouais. Je peux te dire une affaire. Là, on focuserait bien plus à amener Lindgren à le préparer. On dit c'est un jeune. On sait qu'il va nous gauler une vingtaine de games, 20-25 games. On le prépare. Mais là, c'est pas ça la situation. On se dit faut avoir un gars, un vétéran qui a de l'expérience parce que on ne sait pas qu'est-ce que notre autre coco va nous faire comme premier gardien. On ne sait pas combien il va nous engauler. Fait que là, ça change ton développement avec tes gardiens de but. Parce que justement, tu te dis, si là, et l'autre, notre backup, faut qu'il engaule 40, ben Carlick Lindgren, il est pas prêt encore. Ouais. Mais si on savait qu'il engaulerait 20, on irait avec Lindgren. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Alors, c'est ça la différence. Et dans le cas de Niemi, là, il était mis au balotage. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à Niemi quand il était à San Jose, quand il était à Chicago, que ce soit? C'était son éthique de travail. Ouais. On trouvait qu'il se donnait pas tout le temps dans la pratique. Il était un peu lâche, ces affaires-là. Mais il avait travaillé avec Stéphane Waite à Chicago. Puis Waite, lui, il l'avait bien monté, il l'avait bien préparé. Puis c'est surtout quand il est arrivé à San Jose qu'on dit qu'il y avait un relâchement. Alors, lorsqu'il est revenu avec le Canadien, il était content de retrouver Stéphane White. Il s'est mis à travailler comme il devait le faire dans les entraînements, à mieux se préparer. Puis il est redevenu le Niemi qu'il était quand il était à Chicago. Ouais. Alors, ça, c'était une bonne façon de se retrouver dans son cas. Puis c'était bénéfique pour le Canadien. Okay. Ben, Joël Bouchard, tu étais impliqué dans les Jeux du Québec, Marc. Moi, je suis à peu près certain que ça va aider, ça, pour la Ligue junior du Québec, l'arrivée de Dominique Duchamp et Joël Bouchard dans l'uniforme dans l'entourage du Canadien. Le dernier joueur qui avait été repêché de la Ligue junior du Québec, ça date pas, c'est Simon Bourque en 2015, choix de sixième ronde. Tu sais, à quelque part, je pense que Joël Bouchard et Dominique Duchamp connaissent. Tu sais, c'est pas eux autres les directeurs du recrutement, c'est pas eux autres les dépisteurs. Par contre, je suis convaincu, à peu près convaincu, qui vont avoir leur mot à dire dans le prochain repêchage du Canadien. Parce qu'on a plusieurs choix du Canadien, là. T'es-tu d'accord avec moi là-dessus? Absolument. Ouais, hein? Absolument. L'avenue de gars qui, même s'ils n'auront pas de rôle dans le recrutement ou dans la gérance de l'équipe, ils vont avoir un mot à dire. Puis tu vas avoir les deux meilleurs gars pour évaluer des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est probablement les deux meilleurs qui vont être là. On sait très bien que Joël, c'est un très, très bon vendeur. Mm. C'est un gars qui évalue très, très, très bien son personnel de joueur ou d'entraîneur. Dominique Duchamp probablement le coach qui avait la meilleure réputation dans notre ligue. Alors, c'est sûr et certain que l'influence de ces deux personnes-là vont sûrement aider la cause du Canadien pour empêcher les joueurs québécois. Okay. Dernière question, Marc. Jeremy Jacobs, la semaine passée, a dit que Québec était un marché très petit, trop petit même. Question que je me pose, Marc, tu étais impliqué, tu es un ancien joueur des Nordiques. Je l'ai posé à Phil Desgagnés la semaine passée. Tu as même assisté à des rencontres de Pierre-Carl Péladeau. Je me rappelle très bien que les anciens Nordiques avaient été convoqués par Pierre-Carl pour savoir un peu la vision des futurs Nordiques. Mais dans le fond, là, je te posais la question, est-ce qu'on s'est compté une belle histoire, nous autres même, entre Québécois, puis on s'est cru? Oui, mais pourquoi, Danny, qu'on croirait un gars à Boston qui n'a peut-être aucun intérêt? Mais c'est le numéro 3, puis c'est connu que Jeremy Jacobs à Boston est très pesant au bureau des gouverneurs de la Ligue nationale. Oui, mais est-ce que ça fait de lui qu'il a la vérité dans la bouche? Est-ce que Québec est un petit marché? Absolument. Ouais. Ça, là, on ne s'est jamais caché de ça. Que... Mais est-ce qu'un petit marché peut réussir? Mais Marc... C'est qui dit qu'un petit marché ne peut pas réussir? Parce que si on a l'argent, Danny, ouais. Si Pelado, il dit « Moi, je l'ai, l'argent », il l'a même redit à la conférence de presse de Patrick Roy, il dit « L'argent est là. Mm. L'argent est là. Nous autres, on est prêts à l'investir. » C'est pas comme si on disait hey, on va amener les Nordiques à Québec, puis on est 52 propriétaires qui vont mettre 20 millions chaque, puis qu'on va essayer de faire du hockey, puis on vous demande de l'aide si jamais ça marche pas. C'est pas ça, là. Non, là, on a un propriétaire unique qui dit nous autres, on a l'argent, elle est là, on est prêt à l'investir, puis on est prêt à aller de l'avant avec ça. Là. T'sais, on parle quand même de. Québécois, ils valent pas 100 millions là, sur le marché boursier, ils valent plus qu'un milliard. Alors, eux autres là, sont prêts à tenter l'expérience puis à aller comme ça. Mais alors, est-ce que la Ligue nationale, ce que je veux dire, c'est est-ce que la Ligue nationale, tu sais, il faut être deux se marier, Marc. Tu sais, oui. Nous autres, on veut bien se marier, mais si l'autre veut pas nous marier. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on s'y est cru, dans le fond? Parce que tu sais, t'es un amateur. Tu suis un peu le baseball là, aussi. Robert Manfred n'arrête pas de parler de Montréal. Là. C'est pas rien que Steven Brofman qui parle de Montréal, qui veut pas des expos. Le commissaire du baseball n'arrête pas de parler de Montréal. Il en parle tout le temps. Mais Bettman, était très rare à parler de Québec. Tandis qu'il s'en va à Las Vegas, s'en va à Seattle. Le prochain, ça va être Houston. Dans le fond, Marc, est-ce qu'on s'est conté une histoire pour s'y est cru? C'est ça que je veux savoir. Moi, je pense pas, parce que je pense qu'à la base, il y a eu de bonnes discussions entre le maire Labeaume, entre Québécois et entre Bettman. Ça, je suis convaincu. Okay. Mais est-ce que eux autres, est-ce que pour eux, le marché de Québec est une priorité? Absolument pas. Ouais. Absolument pas, parce qu'eux autres, là, qu'est-ce qu'ils regardent, là? C'est pas l'intérêt du hockey pour la Ligue nationale. Eux autres, c'est de développer des marchés, comme Las Vegas. C'est l'argent. C'est l'argent. Eux autres, c'est l'argent qui mène. Bettman, il a passé la Ligue nationale de 1 milliard à 5 milliards, que ça vaut, ou peu importe là, le chiffre. Il a monté ça d'une façon incroyable. Pour lui, là, s'il y a une équipe à Québec, là, qui n'a pas point de vue télévisuel et quoi que ce soit, c'est la même tarte que Montréal. On fait juste séparer la tarte en deux. Comprends-tu? Alors que si tu amènes une équipe à Vegas, c'est une nouvelle tarte. Si tu amènes une équipe à Kansas City, à Seattle, c'est une nouvelle tarte. Ouais. Alors, c'est des revenus de plus. Alors que si on sépare la tarte, alors c'est sûr que pour les propriétaires, pour le commissaire, c'est pas une nouvelle entrée d'argent intéressante pour eux. C'est seulement qu'on brosse la soupe et on travaille avec le même argent. Alors, c'est moins attirant pour eux. Mais en même temps, il faut se rappeler de 2011. Là. Puis moi, j'en étais un qui était en 2011. Il faut se rappeler du contexte de 2011. Les Coyotes de Phoenix, ça va nulle part. Gary Bettman doit se rendre à Phoenix plusieurs fois. Je pense qu'il était trois fois à des réunions du conseil municipal pour convaincre les gens de Phoenix un petit peu, les autorités de Phoenix d'embarquer dans l'aventure. Arrive TVA Sports. On dit TVA Sport n'arrivera pas pour rien. Là. C'est sûr que les Nordiques s'en viennent. Ils savent de quoi. Fait que dans le fond, on peut pas. Nous, Québécois, on peut pas dire qu'on était naïfs. Tout se pointait vers le retour des Nordiques, mais il faut être deux pour se marier. Oui, puis c'est beaucoup une question de timing. Moi, je pense et je continue à être persuadé qu'il garde Québec dans sa petite poche en arrière au cas où il y avait justement une de ces équipes-là de la Ligue nationale qui aurait vraiment mal, parce qu'à un moment donné, ils se sont tannés d'investir à Phoenix, que à Caroline, ça commençait à aller mal avec le propriétaire et ses fils. Alors, eux autres, ils se sont dit, hey, regarde, on a une porte une sortie de secours extraordinaire en Québec si jamais ces équipes-là viennent qu'à plus être capables de survivre. Alors, on se donne cette option-là. Mais si, admettons, dans deux ans, admettons qu'ils donnent une équipe à Seattle, puis que là, toutes les équipes de la Ligue nationale sont en santé, là, ça va bien. Admettons que la Caroline sont replacées, Phoenix, ça va bien. Tout le monde est en santé, tout le monde est heureux. Là, peut-être qu'on va dire, hey, OK, là, on peut rentrer une nouvelle équipe, les Nordiques de Québec, qui vont donner une 32e, 33e équipe, peu importe, puis qu'on va lui donner la chance parce qu'on leur avait dit qu'on y aurait leur chance à un moment donné. Alors, moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est qu'ils vont aller développer ces autres marchés-là avant. Ouais. En attendant, ils ont une porte de sortie s'il y a une équipe qui va mal. Mais une fois qu'ils vont avoir rentré leurs équipes, là, mettons que Seattle est rentré, puis il n'y a plus d'autres équipes qui veulent rentrer dans la Ligue nationale, puis que tout le monde est en santé, bien là, ils vont peut-être dire, OK, c'est le temps maintenant à Québec de rentrer dans la Ligue. Ben, en tout cas, moi, je vois pas ça de même. En tout cas, c'était d'autres opinions. Moi, je pense qu'on ira pas, en haut de 34 équipes. Ben, Danny, on aurait pu dire la même affaire quand il y avait 26 équipes. On aurait pu... À 26 équipes, tout le monde disait, si on monte plus que ça, on va diluer les équipes, on va avoir un bon spectacle, ça va être moins bon. Mais si ça, on a monté à 28, on montait à 30, on est rendu à 31, on va se rendre à 32. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est les chiffres qui parlent, puis ça... Il n'y aura pas de limite tant qu'il va y avoir de l'argent. Okay. Marc, un gros merci. On se reparle. On va probablement se voir au repêchage de la Ligue Junior du Québec parce que les Saguenayens parlent au premier rang. Puis il y a un autobus qui se prépare. Donc il y a des grosses chances que je sois dans l'autobus. Donc on risque de se voir là. Ben, ça va faire plaisir de te croiser, Denis. Le collaborateur Marc Fortier.